notre école. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas à vos colonies, vos vacances. J'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. J'irai pas. J'irai pas me coucher. J'irai pas à votre école. J'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas. Et bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de l'émission J'irai pas, l'émission du même nom que la chanson de Brigitte Fontaine qu'on vient d'écouter. J'irai pas, une nouvelle émission antimilitariste sur Radio Dio. Pour ce premier numéro, on a choisi la facilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas définir tout de suite ce que pourrait être l'antimilitarisme, mais on s'intéressera plutôt aux discours et aux orientations militaristes qui dénotent une montée en puissance de l'appareil militaire, à la fois dans les consciences, mais aussi dans l'organisation du pays. On pourrait dire peut-être que les luttes qui vont à l'encontre de ces manœuvres sont des luttes antimilitaristes. On en causera en fin d'émission pour un petit panel non exhaustif. Et pour commencer, et ça n'a échappé à personne, l'armée recrute. Une des images qui a dû vous sauter aux yeux, et si vous ne l'avez pas vue, je vous la décris, c'est celle d'un type qui vous vise avec un fusil et au-dessous duquel il est écrit « être prêt ». Ou alors celle d'une personne qui recharge son flingue accompagnée de ces mots « croire en soi ». Dans la même veine, il y aura « aller de l'avant » ou bien « suivre son ambition ». Il y a d'abord l'image. Jusqu'alors, souvenez-vous, c'était plutôt rare que les campagnes de pub montrent des armes. Avant, on voyait plutôt des missions de sauvetage ou du sport pour montrer le côté fun ou humain. Puis, il y a le texte. Digne d'un slogan de Big Brother qui amalgame le fait de « croire en soi » avec celui de porter une arme chargée. Sérieusement, comme dans les westerns où le héros viril se sent tout nu sans son flingue. Alors si les boîtes de com' de l'armée ont osé cette pub effarante, c'est qu'elles se sont dit « dans le doute ça passe ». Tant qu'il y aura encore des gens pour qui ça ne passe pas, des gens que ça choque, ça nous rassure. On se dit qu'il est encore possible de critiquer la chose militaire. On pourrait dire que les boîtes de com' de l'armée n'ont jamais été bien subtiles, mais pour continuer dans la lancée de la com' militariste, je vais vous passer 4 extraits d'un discours d'un communicant qui a pignon sur rue. J'ai nommé Emmanuel Macron lors de sa visite dans la base militaire de Mont-de-Marsan le 20 janvier 2023. Vous verrez, c'est pas beaucoup plus subtil. Il y présente devant le gratin militaire la future loi de programmation militaire. Premier extrait qu'on écoute tout de suite. 2024 représentait un effort de 295 milliards d'euros. Je peux vous le dire à présent, je solliciterai de la représentation nationale que nous puissions consacrer sur la période 2024-2030 un effort budgétaire de 400 milliards d'euros, ce qui permettra de couvrir un total de 413 milliards d'euros de besoins militaires. Afin de renouveler ainsi ce précieux outil militaire qui sert notre liberté, notre sécurité, notre prospérité et notre place dans le monde. Au total, ces deux lois de programmation militaire auront donc conduit à un doublement des budgets de nos armées. Je le dis avec gravité, ce sont des moyens considérables qui amplifient un effort de défense dont la dynamique est sans précédent depuis 5 décennies. Ces ressources exceptionnelles dictent évidemment une grande exigence. C'est le prix de la sécurité de nos enfants, c'est le montant de notre rang à tenir, de nos valeurs à défendre, d'un long récit de gloire et de liberté dont il nous faut écrire les prochains chapitres. Alors vous voyez, 413 milliards d'euros pour 2024-2030. Comme quoi, de l'argent, il y en a, mais peut-être pas pour les retraites ou pas pour les hôpitaux. Mais comme le dit Macron, c'est le prix de la sécurité de nos enfants. Qu'ils et elles vivent dans des environnements ultra pollués ou des déserts médicaux, ça n'a pas l'air de le déranger, ou en tout cas, c'est pas sa priorité. C'est le prix de nos valeurs à défendre. Alors les valeurs à défendre, c'est un peu vague. Est-ce que nos valeurs, c'est de construire des prisons ? Ou de construire des murs aux frontières de l'Europe, ou de laisser les gens à la rue alors qu'il y a plein de logements vides. Et surtout, c'est le prix d'un long récit de gloire et de liberté. Alors, pareil, la gloire, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui rayonne, qui irradie le monde, quelque chose dont on peut être fier. Pour illustrer ce long récit de gloire et de liberté, on va écouter un texte qui a plus de 35 ans, mais qui n'a pas pris une ride. C'est un extrait d'un article intitulé « Le complexe militaro-industriel et la violence à l'égard des femmes » daté de l'hiver 1985 et signé de André Michel. Alors, on le retrouve dans le recueil qui s'appelle « Féminisme et antimilitarisme », pardon, page 92. Je vous lis ça tout de suite. En France, où les choix budgétaires imposés par les complexes militaro-industriels suivent la même orientation qu'aux États-Unis, le nombre de nouvelles pauvresses se multiplie chaque année par suite des coupures qui affectent l'emploi dans les services publics comme dans les industries et services privés. Les équipements éducatifs et sanitaires où travaille une majorité de femmes étant touchés en priorité. Entre en jeu également la précarisation de l'emploi, la baisse des prestations de chômage et la faiblesse des retraites. Alors que rien n'est jamais trop coûteux ou trop beau pour le complexe militaro-industriel français quand il s'agit de construire de nouveaux sous-marins nucléaires, de faire exploser des bombes nucléaires à Mururoa, de prévoir une nouvelle base militaire en Afrique, pardon, en Nouvelle-Calédonie, d'intervenir militairement en Afrique ou en Nouvelle-Zélande pour couler le Rainbow Warrior. Le gouvernement français est incapable de compléter les déficits des caisses de l'UNEDIC afin de verser des allocations convenables aux chômeuses. Celles-ci sont plus touchées que les hommes par les restrictions de l'assurance chômage, car non seulement le pourcentage de chômeuses indemnisées est inférieur à celui des hommes, mais en plus, un pourcentage plus élevé de chômeuses que de chômeurs a vu sa situation se dégrader. En outre, la durée du chômage est plus longue pour les femmes que pour les hommes, et leur allocation moyenne de chômage est plus faible que celle des hommes. Alors voyez, vous voyez comme ce texte résonne étrangement bien en cette période de réforme du chômage et de réforme des retraites, et d'accroissement des budgets militaires. C'est fou, 38 ans après, qu'on puisse retrouver quasiment mot pour mot les mêmes textes aujourd'hui. Comme quoi nos valeurs ont été bien défendues, non ? Allez, on se fait une petite pause avant d'écouter les extraits suivants. On écoute Tout fout le camp, interprété par Damia. Nous sommes maîtres de la terre, nous nous croyons des presque dieux, et pan, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes, des pouilleux. Et non, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous, et crient au fou, au fou. Nous nageons tous dans la bêtise et l'on invente des drapeaux. On met des couleurs aux chemises, sous la chemise, il y a la peau. Et là-haut, les oiseaux les cris au fou, au fou. Écoutez le monde en folie, vive la mort, vive la faim, pas un cri, vive la vie, nous sommes tous des assassins. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous et crient au fou, au fou. C'est toute la terre qui gronde, bonne saison pour les volcans, on va faire sauter le monde, cramponnez-vous, tout fout le camp. Et là-haut, les corbeaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent comme des fous et crient à nous, à nous. La vie pourrait être si belle si l'on voulait vivre d'abord. Pourquoi se creuser la cervelle quand il y a du bon soleil dehors? Vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 dans l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste. Aujourd'hui, on écoute quatre extraits d'un discours du 20 janvier 2023 d'Emmanuel Macron, que vous pouvez retrouver sur le site elysee.fr. Pour se donner une idée de ce qu'est le militarisme, on a vu dans le premier extrait que ça coûte des sous et que ça nécessite une vision de l'histoire et du progrès social plutôt particulière. Et on enchaîne avec un deuxième extrait d'Emmanuel Macron, le même discours, 53 secondes, c'est parti. À toutes les menaces qui peuvent toucher notre société et la déstabilisation que celle-ci pourrait engendrer, la résilience plus générale de notre société, ses forces morales déjà évoquées, la capacité de mobilisation de notre nation face à l'inattendu, comme elle a su le faire durant la pandémie, est essentielle. Je souhaite pour cela doubler à terme la réserve opérationnelle, qui permettra de renforcer notre armée d'active et la montée en puissance d'unités nouvelles de réservistes, comme des unités territoriales et des flottilles côtières. À cet égard, aussi, le service national universel nous permettra de disposer d'une jeunesse parée à tous les périls, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans les semaines à venir. Voilà, alors deuxième petit extrait. Ici, on nous rappelle la pandémie en nous parlant de la capacité de mobilisation de notre nation. C'est vrai qu'on pouvait s'en rappeler comme ça, des voisins qui se dénoncent entre eux, des confinements avec des autorisations pour circuler, des couvre-feux, et aussi des héros et des héroïnes, les fameux héros-héroïnes du quotidien que l'on applaudissait à nos balcons et qui sont bien vite tombés dans l'oubli, soit dit en passant. On nous parle aussi de doubler la réserve opérationnelle. Alors un réserviste, c'est une personne qui signe un contrat d'un à cinq ans dans l'armée pour être appelée en renfort selon ses disponibilités sur des missions quelconques dans l'armée. Et enfin, on nous parle du SNU, le Service National Universel, promis par Macron en 2017, mis en place par Édouard Philippe en 2019. Il était présenté comme un moment de cohésion permettant de recréer le socle d'un creuset républicain et de transmettre le goût de l'engagement à la jeunesse. Concrètement, c'est deux semaines de colo, encadrées par des bidasses, levées à 6h30, puis levée des couleurs et marseillaise à 8h, des activités en tout genre, comme faire des pompes collectives, marcher au pas cadencé, se former à des préventions anti-attentats, etc., etc. Puis, deuxième phase, une entre guillemets, mission d'intérêt général de 84 heures qu'on peut effectuer dans l'armée ou ailleurs. Et la troisième phase, un engagement volontaire de 3 mois. Celle-ci est facultative. Parce que effectivement, les phases 1 et 2, donc les 2 semaines de colo et la mission d'intérêt général de 84 heures, elles, ont vocation à devenir obligatoires prochainement. Alors, d'un côté, on nous dit qu'on exagère quand on critique la militarisation de la jeunesse. Et de l'autre, Macron dit devant les plus hauts gradés de l'armée qu'elle pourra disposer, je cite, d'une jeunesse parée à tous les périls. En réponse à ça, et parce que l'obligation du service national universel commence à pointer le bout de son nez, je vous lis un bout de tract signé par plein d'orgas qui refusent le SNU. Alors, ce tract, il est titré « Non au service national universel » et il nous explique en intro, en chapeau, il nous explique que le SNU est passé sous le contrôle conjoint du ministère de l'Éducation nationale et de celui des armées, que ça coûterait 1,5 milliard pardon, chaque année pour obliger les jeunes de 15 à 17 ans à faire le SNU. Donc il rappelle que le budget de l'armée a augmenté, il est de 44 milliards d'euros pour 2023, il a augmenté de 25% par rapport à 2017. Et il rappelle que dans le même temps, écoles et lycées manquent de personnel. On ne recrute pas le bon nombre d'enseignants et d'enseignantes, le bon nombre d'auxiliaires de vie, indispensables au bon fonctionnement du système scolaire. Et j'arrive pas à lancer le CD, mais c'est pas grave. Alors, je vous lis le corps du texte. Le service national universel que le gouvernement veut rendre obligatoire pour les jeunes de 16 ans. C'est une opération de soumission de la jeunesse. Il s'agit d'inculquer un esprit d'obéissance aux règles, un respect absolu des normes, règles et normes qui pour la plupart ne visent qu'à perpétuer les inégalités et injustices inhérentes à l'organisation actuelle de la société. Cette volonté de soumission passe aussi par un contrôle renforcé, notamment à travers la mise en fiche de tous et toutes les jeunes de 16 à 25 ans. Volonté de soumission, enfin, car elle ne reconnaît comme engagement des jeunes que les dispositifs étatiques. La remise en cause des droits des travailleurs et travailleuses. Les jeunes seront utilisés pour remplacer des emplois aujourd'hui occupés par des employés qui ont un salaire, une convention collective ou un statut, la possibilité de s'organiser syndicalement, des droits individuels et collectifs. Avec le SNU, chaque année, 800 000 jeunes seront exploités sans aucun de ces droits pour des durées variables. Ils et elles seront très vivement encouragés à poursuivre leur engagement volontaire, la phase de 3 mois dont je vous parlais, par un service civique dans les mêmes conditions de précarité. Le SNU, ce sont aussi des dépenses considérables. Ces milliards seraient bien plus utiles pour le service public de l'éducation qu'aux mains des militaires. C'est aussi le renforcement de la militarisation. Encadrement militaire, levée du drapeau, chant guerrier, uniforme, parcours du combattant, raid commando, etc. contribueront à l'endoctrinement des jeunes. La propagande visera à banaliser encore plus le rôle de l'armée, alors que celle-ci est en pointe dans la répression sur le territoire français, dans les colonies et diverses régions du monde. Sans surprise, il n'est nullement question dans le programme de pacifisme, de non-violence, ni de remise en cause du rôle de l'armée. Conclusion, le gouvernement nous dit « il faut que les jeunes s'engagent ». Mais c'est déjà le cas. Ils et elles s'engagent pour lutter contre le racisme, pour que cesse la destruction de la terre, pour défendre leur droit à étudier, pour le partage des richesses, pour le droit au logement, pour l'égalité des droits et contre les discriminations, etc. Ce n'est pas à l'État de les forcer à s'engager. Comment peut-on parler d'apprendre la citoyenneté lorsqu'on confie l'encadrement à l'armée, qui par ailleurs n'était pas demandeuse ? Non au SNU, abrogation du SNU. Voilà, et ce tract, il est signé de pas mal d'organisations, Union Pacifiste, Union Syndicale Solidaire, Asso Solidaire, Solidaire Lycéenne, etc., etc. Et pour rejoindre le collectif, ils ont laissé une adresse mail nonsnu@list.riseup.net. Alors list, c'est au pluriel et en anglais, lists.riseup.net. Voilà pour ce tract. Alors, pour respirer un petit peu, on va s'écouter une chanson de Duval MC qui s'appelle « On désobéit ». Nous, on désobéit. Hey cousin, te souviens-tu les émeutes en 2005 ou l'Arzac 2003? C'est toujours les mêmes qui trinquent le tiers-monde en dehors de l'Europe. Forteresse, les ghettos, les précaires et des millions de détresses. Rien n'arrête les vendeurs d'armes et leurs médias de masse. Rien ne stoppe les publicitaires, ils prennent tout l'espace. Et alors que la donne écologique est au rouge, c'est les plus gros pollueurs qui repeignent tout en vert. À l'heure actuelle, ne pas mettre un high kick dans le décor, c'est se voiler la face et fouetter ses propres frères. cœur, car pendant qu'il rajoute le mot durable à chaque phrase, il continue de piller, de faire le coton, le gaz. Beaucoup de cocouton, goutte à goutte, on va démonter tout ça. Faut bloquer les ports, les routes et les villas, les séguer là. Faut grimper les tours des firmes et déchirer tous leurs contrats. Réquisitionner les terres et y faire pousser la RIA. Comme Henri David Thoreau, comme le mouvement Yo Mango. Comme l'Assemblée populaire des peuples de Wafaka. Comme les faucheurs volontaires, comme le parti Black Panther. Comme le mouvement des sans-terres, comme les anti-nucléaires. Rouya désobéir, c'est maintenant plutôt la mode. On ne peut plus se nourrir de leurs animaux malades. Presque toutes les rivières charrient leurs pesticides. Et silence quand la France supervise un génocide. On entendra toujours dire que tout casser c'est pas bien. Ou le sang piternel, à quoi bon ça sert à rien. On oublie que pour avoir mis la planète à genoux, ils n'ont pas été vraiment pisse compréhensifs et doux. C'est la course contre la montre, il faut maintenant tout péter. Avec les pays du sud, c'est la solidarité. Nous on est truffés d'amour, pas de puce RFID. L'ADN de la connerie, on va tous le décoder. Faut coûte que coûte au goutte à goutte ou pas démonter tout ça. Pour bloquer les Bolloré, les Monsanto, les Areva. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. On boycotte, on rusé à l'occasion, on leur fout le terroir. Comme le clan du néon, comme les déboulonneurs. Comme le groupe résistance à l'agression publicitaire. Comme les brigades de clowns ou les yes men et leurs phares. Comme le groupe génocide made in France au champ de Mars. Comme le mouvement des Conti défonçant la préfecture. Comme l'appel des 200 mètres, comme l'action des jeudis noirs. Comme l'endurance du réseau, éducation sans frontières. Rockina Deniso ou Tikenja en victoire. Les films de Colin Serrault, de Pierre Carl ou Michael Moore. Comme les sites Wikileaks, comme des millions de hackers. Comme SL Rosa Parks, comme Mandela et Gandhi. Comme Ispera Sankara ou Adolfo Kaminski. Comme les peuples d'Égypte, d'Islande et de Tunisie. Comme ce que l'on fait chaque jour modestement de nos vies. Faut coûte que coûte, on goutte à goutte, pas démonter tout ça. Faut bloquer EADS, Dassault, Thompson et Matra. Faut stopper les industriels et faire cesser leurs dégâts. Faut se remonter les manches et dévisser tout leur barda. Faut plus confier les manettes à tous ces pébons de l'ENA. Faut coûte que coûte, on goutte à goutte, pas démonter tout ça. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. On boycotte, on rusé à l'occasion, leur fout le terroir. Et voilà, c'était Duval MC qu'on écoutait un peu pour respirer. Après, on est toujours sur Radio Dio 89.5 dans l'émission antimilitariste J'irai pas. On écoutait tout à l'heure les deux premiers extraits d'un discours de Macron. On essayait de le commenter. On a vu déjà dans les deux premiers extraits que le militarisme, ça coûte cher, que ça nécessite de réécrire un petit peu l'histoire. Et qu'il convient de commencer l'embrigadement et la soumission à la hiérarchie le plus tôt possible. Alors, on va enchaîner avec le troisième extrait que je vous ai choisi de ce discours. Le voici. Ces attentes portent aussi, bien sûr, vers les industriels de défense, qui jouent un rôle si important, et je souhaite les en remercier ce matin, car ils sont une composante clé de notre souveraineté. Et je le dis clairement. Aux efforts de l'État, de toute la nation, doit répondre une exigence d'efficacité et de disponibilité. Il faudra apprendre collectivement à assumer une mutation perpétuelle. Faire autrement, raccourcir drastiquement les cycles de production, ne pas céder à la sursophistication. Comme dans d'autres secteurs technologiques, adapter plus vite nos équipements, nos cycles de production aux besoins de nos partenaires, aux exigences d'un conflit, et ce, dans la durée. Je souhaite également diminuer les coûts d'acquisition et de maintien en conditions opérationnelles par un effort combiné État-industrie. J'ai parlé en juillet dernier d'une économie de guerre. Voilà notre horizon collectif. Mais une économie de guerre sous-tendue par un tel investissement de la nation, ça n'est pas en quelque sorte l'urgence perpétuelle qui nous ferait dépenser mal. C'est bâtir les conditions d'une souveraineté durable où l'on dépense mieux, car l'expression des besoins est plus claire, l'engagement d'adaptabilité plus constant, les coûts mieux maîtrisés. Nous donnons de la visibilité, au-delà même d'une décennie. Face à cela, il faut de la sincérité et de l'exigence. Et ouais, les industriels et l'économie, on les avait oubliés, ceux-là. Rappelez-vous, André Michel nous parlait en 1985 du complexe militaro-industriel. Alors on va se relire un autre tout petit extrait du même article qui nous permet de mieux comprendre. Un complexe militaro-industriel, c'est-à-dire des ensembles structurés d'industriels, de militaires, de bureaucrates et de scientifiques qui monopolisent la décision de produire, de multiplier et de vendre la production destinée à la menace de mort ou à la guerre, qu'il s'agisse d'armes conventionnelles ou hautement sophistiquées. Et ouais, quand Macron parle d'économie de guerre, les industriels se frottent les mains. Par exemple, dans une dépêche AFP du 26 février 2023, on lit, citation, « En 2023, nous devrions avoir une croissance de 40%, se réjouit Jean-Marie Matelin. » Alors Jean-Marie Matelin, qui se réjouit, c'est le directeur de NBC6. Je pense que ça veut dire Nucléaire Bactériologique Chimique Système. C'est une société du groupe Nexter. NBC 6 est situé à Saint-Chamond, pas loin d'ici, et fabrique des masques à gaz pour équiper l'armée. Comme c'est sympa! En tout cas, son directeur a l'air de bien se réjouir, parce qu'une deuxième unité de production va ouvrir en avril et occupera 1000 m² de l'ancienne manufacture d'armes de Saint-Étienne. Trop génial la croissance! Et c'est pas fini. Près de Saint-Thé, on a aussi Hexadrone à Saint-Ferréol-de-Roure, spécialisé dans le développement, la vente, la fabrication de solutions drones destinées à des usages dual. Qu'est-ce que c'est que des usages dual ? Eh bien, tout simplement, ce sont des usages qui peuvent être civils ou militaires. Et ouais, Hexadrone réalise déjà la moitié de son activité avec l'armée française. Ça vous rappelle rien ? Et ouais, on est à Saint-Thé quand même. On ne peut pas faire l'impasse sur Vernet Caron. La dualité, ça s'y connaît chez Vernet Caron. D'un côté, on a les armes qui tuent, mais civiles. D'un autre, les armes qui tuent, mais à létalité réduite, ou pour la gestion démocratique des foules. Et d'un troisième côté, on n'arrête pas la dualité chez Vernet Caron, on a les armes qui tuent, mais légères. Vous apprécierez les nuances pour parler d'un côté de fusil de chasse, d'un autre de flashball et de lance-grenade, et du troisième côté de la dualité, de flingues et de fusils d'assaut. Pour ajouter encore plus de dualité dans tout ça, nous avons l'entreprise Cybergun, appréciez le nom dual déjà, Cyber et Gun, spécialisée dans la production d'armes airsoft, c'est-à-dire des armes pour s'amuser, qui tirent des billes en plastique. Cette société est arrivée avec 20 millions d'euros pour renflouer Vernet Caron, l'agrandir, d'ailleurs ils cherchent 10 000 m² de terrain, et arriver en 2025 à un rythme de production de 100 000 flingues et fusils d'assaut. Ça, c'est les armes légères pour la police et l'armée française. Que du bonheur en perspective. Voilà, une petite présentation à compléter, évidemment, de notre bassin industriel mortifère stéphanois, où on pourrait parler aussi de Thalès à Saint-Éan, qui vend du matos d'optique pour équiper les chars russes et fait plein d'autres activités sympas. Si vous avez d'autres pépites comme ça à partager, on est preneur, n'hésitez pas à écrire à jirepas@riseup.net, jirepas@riseup.net. Avant d'écouter le quatrième extrait du discours de Macron, on écoute Rosalie Dubois qui chante Giroflé, Girofla. C'est parti. Que tu as de beaux champs d'orge, giroflé, girofla. Ton verger de fruits regorge, le bon temps c'est là. Entends-tu ronfler la forge, giroflé, girofla. Canon les fauchera, le canon les fauchera. Que tu as la maison douce, giroflé, girofla. L'ombre y dort, la fleur y pousse, le bonheur y viendra. Vois la nuit qui devient rousse, giroflé, girofla. L'avion la brûlera, l'avion la brûlera. Que tu as de belles filles, giroflé, girofla. Dans leurs yeux où le ciel brille, l'amour descendra. Sur la plaine on se fusille, giroflé, girofla. Soldat les violera, le soldat les violera. Que tes fils sont forts et tendres, giroflé, girofla. C'est plaisir de les entendre, à qui chantera. bras. Dans 8 jours, on va me les prendre, girofle, girofla. Le corbeau les mangera, le corbeau les mangera. Tant qu'il y aura des militaires, soit ton fils, soit le mien, on ne verra par toute la terre jamais rien de bien. On tuera pour te faire taire, un terrier comme un chien. Et tout ça pour rien, et tout ça pour rien. Vous êtes toujours sur le 895 de Radio Edio. On a écouté Giroflé, Girofla, interprété par Rosalie Dubois, et c'est l'émission antimilitariste J'irai pas qui continue. On essayait jusqu'alors d'illustrer ce que peut être le militarisme au travers de 4 extraits du discours de Macron du 20 janvier. Dans les 3 précédents extraits, on a vu que le militarisme mobilisait l'argent public, mais aussi la jeunesse, et enfin l'industrie et l'économie de manière générale. Et on s'écoute un dernier extrait de 24 secondes, accrochez-vous, qui concluait un peu le discours d'Emmanuel Macron. Le voici. Énergétique, technologique et industrielle, elle est économique, financière et budgétaire. C'est pourquoi elle supposera, au-delà de cette loi de programmation, une série, au fond, de lois, d'actions concrètes, de mobilisation de la nation tout entière. Et la mobilisation civile est inséparable de l'effort militaire. Oups là, on a vu un extrait de ce qui allait suivre. Et ouais, en fait, le militarisme, ça doit mobiliser la nation tout entière. Alors qu'est-ce que c'est une mobilisation civile inséparable de l'effort militaire? Pour illustrer ça, j'ai choisi de vous lire un extrait du roman « La peur » de Gabriel Chevallier, paru en 1930. Ça nous donnera peut-être un petit aperçu. Dans ce roman, on suit l'auteur lorsqu'il participe à la guerre de 1914-1918 en tant que simple soldat. Alors là, on est page 24, donc on est au tout début de la guerre. Je vous lis ça. Dans l'après-midi du 3 août, en compagnie de Fontan, un camarade de mon âge, je parcours la ville. À la terrasse d'un café du centre, un orchestre attaque la Marseillaise. Tout le monde l'entend, debout, et se découvre. Sauf un petit homme chétif, de mise modeste, au visage triste sous son chapeau de paille qui se tient seul dans un coin. Un assistant l'aperçoit, se précipite sur lui, et d'un revers de main fait voler le chapeau. L'homme pâlit, hausse les épaules et riposte. « Bravo, courageux citoyen !» L'autre le somme de se lever. Il refuse. Des passants s'approchent, les entourent, l'agresseur continue. « Vous insultez le pays, je ne le supporterai pas !» Le petit homme, très blanc maintenant, mais obstiné, répond « Je trouve bien que vous offensez la raison, et je ne dis rien. Je suis un homme libre, et je refuse de saluer la guerre. » Une voix crie « Cassez-lui la gueule à ce lâche !» Une bousculade se produit. De l'arrière, des cannes se lèvent, des tables sont renversées, des verres brisés. L'attroupement, en un instant, devient énorme. Ceux des derniers rangs, qui n'ont rien vu, renseignent les nouveaux arrivants. « C'est un espion ! Il a crié « Vive l'Allemagne !» L'indignation soulève la foule. On entend des bruits de coups sur un corps, des cris de haine et de douleur. Enfin, le gérant accourt, sa serviette sous le bras, et écarte les gens. Le petit homme, tombé de sa chaise, est étendu à travers les crachats et les bouts de cigarettes des consommateurs. Son visage tuméfié est méconnaissable, avec un œil fermé et noir. Un filet de sang coule de son front et un autre de sa bouche ouverte et enflée. Il respire difficilement et ne peut se lever. Le gérant appelle 2 garçons et leur commande « Enlevez-le de là !» Il le traîne plus loin sur le trottoir où il l'abandonne. Mais un des garçons revient, se penche et le secoue d'un air menaçant. « Dis donc, et ta consommation ?» Comme le malheureux ne répond pas, il le fouille, retire de la poche de son gilet une poignée de monnaie dans laquelle il choisit, en prenant la foule à témoin. Ce salaud serait parti sans payer. On l'approuve. Ces individus sont capables de tout. Heureusement qu'on l'a désarmé. Il était armé. Il a menacé les gens de son revolver. Aussi, nous sommes trop bons en France. Les socialistes font le jeu de l'Allemagne. Pas de pitié pour ces cocos-là. Les prétendus pacifistes sont des coquins. Ça ne se passera pas comme en 70 cette fois. Pour fêter cette victoire, on réclame à nouveau la Marseillaise. On l'écoute en regardant le petit homme sanglant et souillé qui geint faiblement. Je remarque près de moi une femme pâle et belle qui murmure à son compagnon « Ce spectacle est horrible. Ce pauvre homme a eu du courage. » Il lui répond « Un courage d'idiot. On ne s'avise pas de résister à l'opinion publique. » Je dis à Fontan « Voilà la première victime de la guerre que nous voyons. » « Oui ? » fait-il rêveusement. « Il y a beaucoup d'enthousiasme. » Vous voyez, ce petit homme est la première victime de la guerre. Ou plutôt de la fièvre cocardière, cette fougue belliciste qui s'empare de la foule jusqu'à lyncher celui qui ne salue pas la guerre. Ce petit homme, dans l'extrait que je viens de lire, sera traité d'agent de l'ennemi, de traître. La foule lui attribuera des propos qu'il n'a pas tenus et des actes qu'il n'a pas faits. Il n'y aura qu'une personne pour dire qu'il a eu du courage, quand l'opinion publique, elle, le traitera de lâche. Alors voilà, l'opinion publique, ça se travaille. Je vous parlais en début d'émission de la pub, mais il y a plein d'autres manières de faire de la propagande. À la radio, par exemple, dans les journaux, dans la rue. Et à la radio, tiens. De nos jours, il n'y a plus comme en 1912 des parades militaires toutes les semaines dans les plus grandes villes de France. Mais il y a Skyrock. Et ouais, il y a Skyrock et l'exercice Orion pour améliorer la cohésion armée-nation. Je vous passe un petit extrait de... Vous l'avez entendu, je vous en passe un tout petit bout. Et il nous fait l'info mini spéciale aujourd'hui consacrée exclusivement à l'exercice Orion qui se poursuit dans de nombreux départements du sud-est de la France pour sa deuxième phase. Après vous avoir présenté l'opération aéroportée réalisée dans la région de Castres, on revient aujourd'hui sur l'autre action principale réalisée de manière quasi simultanée. Alors, Orion, ça n'est pas que Skyrock qui nous en parle, c'est aussi Le Monde qui titrait en novembre « L'armée française se prépare à une guerre de haute intensité ». Et nous décrivait cet exercice de haut engagement militaire, un EMEX, qui met en scène 20 000 soldats qui s'entraînent à toutes sortes de manœuvres avec tous leurs joujoux. Ça a déjà commencé entre Sète et Castres, et cette fois c'est le journal Midi Libre qui nous invite à revivre en images le débarquement à Sète fin février. On pourra ensuite admirer l'excellence de notre armée en Champagne-Ardenne. Tout ceci pour améliorer la cohésion armée-nation. Voilà, on est sur le point de clore cette émission antimilitariste. Comme je vous le disais en introduction, à part les textes des chansons, ou peut-être un tract, le contenu de cette première émission était surtout tourné vers le militarisme. Il s'agissait de faire un premier tour d'horizon, rapide et non exhaustif, certes, de ce que peut être le militarisme dans ses différentes facettes, comment il peut se manifester. On a parlé de quoi ? On a parlé de propagande, on a parlé des budgets faramineux alloués au budget de l'armée, de l'enrôlement de la jeunesse, de l'industrie de l'armement, et spécifiquement sur Saint-Étienne où on a du beau monde et de beaux projets. On a parlé de la mobilisation de la nation et de cohésion nationale. Tout ceci comme autant de sujets à creuser dans de prochaines émissions, comme autant d'invitations à y résister, soit par un bout, soit dans son entièreté. Les prochaines émissions pourraient parler d'anciennes luttes antimilitaristes, comme celle des révolutionnaires d'avant la Première Guerre mondiale, ou plus récemment les luttes des insoumis au service militaire et leur groupe de soutien jusque dans les années 80-90. André Michel, dont j'ai lu quelques extraits, nous parle aussi de luttes de femmes dans le monde entier contre tout un tas de guerres, jusqu'à aujourd'hui. On pourrait aussi, c'est une idée, creuser sur ce fameux complexe militaro-industriel dont elle parle, et voir à la fois l'industrie de l'armement, et comment l'armée est incrustée partout, dans les usines comme dans les universités. On pourrait faire un dossier sur Saint-Étienne, pourquoi pas. On pourrait aussi parler de la lutte qui ne saurait tarder des jeunes contre le service national universel. Bref, la lutte est longue, il y a du boulot. Vous pouvez écrire à jirepas@riseup.net, J-I-R-A-I-P-A-S, tout attaché, @riseup.net. Et on va s'écouter deux morceaux pour conclure. À bientôt. En attendant, bas les armes, à bas la guerre et vive la lutte. Del 5 di agosto, si erano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane e dolente ognun si partì. Sotto l'acqua che cadeva al rovescio grandinavano le palle nemiche su quei monti, colline, gran valli. Si moriva dicendo così: o Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. Povigliacchi, che voi ve ne state con le mogli sui letti di lana, schernitori di noi carne umana. Questa guerra ci insegna a punir. Voi chiamate il campo d'onore questa terra di là dei confini. Qui si muore gridando assassini. Maledetti sarete un cara moglie, che tu non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel cuore. O Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per tutti non fu.